Chromatise. Wow. Entre l'instru et un flow qui tue, dès le début t'as su, ça sentait la ritue. J'ai gagné, t'as perdu, sans le vouloir j't'ai vaincu. Si tu veux me voir, t'as qu'à passer devant mon avenue. J'ai de l'audimat dans la street et dans les sites. MC vient faire la queue si tu voulais faire un feat. Haute pointure, mes arrières j'assure. J'ai pas calculé le passé, j'suis déjà dans le futur. Nique la mode, moi j'suis pas dans le délire crunk. J'm'en bats les reins de ton R1, j'préfère rouler en stun. Petite paire de Puma, capuché c'est Roma. Plus qu'un malaise après ce morceau, tu tomberas dans le coma. Mémorisé, mon rap t'a chromatisé. Trop chaud pour Watt, ici c'est pas climatisé. Visualisé, personne peut rivaliser. Avant que tu me le dises, j'avais l'intention de tout baiser. Dans les tests, dans lesquels j'intéresse. Admire ce que je f, mais ne demande pas qui est-ce. T'hallucines de voir comment j'urine. Comme elle décrit mon rime, ça restera ma routine. Avec du cran pour mon clan, ça reste évident. Jamais lassé, tout défoncé, tu sais que c'est mon passe-temps. Faut le savoir. Que je rappe mieux que je suis écouté et respecté. Donc là, j'ai fumé le rap, j'ai même laissé des traces de boulettes. Si tu me soutiens, check-moi la main et dis-moi Psartek. T'inquiète, je prends pas la grosse tête, je reste un mec honnête. Machallah, je suis musulman, crois-moi, je suis fier de l'être. Demain, j'espère, frère, que je ferai mieux qu'hier. C'est chez les Condés, pas au KFC, c'est qu'il y a la grippe aviaire. Trop d'attitude, même la nuit, ça sort les ribanes. Y'a pas d'heure pour la classe quand on parle sur Panam. Une force de frappe qui t'emmène direct dans les vapes. Encore les Comores avec un saumor qui déboîte. Pas besoin de pousser dans le RAP, je suis trop baraqué. Fallait haineux, mais seul Dieu pourra m'arrêter. Trop d'ambition et d'inspiration, j'arrive à rentrer. Même sans carte d'invitation. Premier en jury, on change pas de catégorie. Ici c'est pas l'offre mais plutôt le rap story. Torride, rue 9 de sud, c'est du solide. Horrible, quand c'est moi qui guide, c'est trop terrible. T'as cherché, t'as trouvé, je vais te prouver. L'ambition m'a obsédé, obligé de tout retourner. Aperçois mon son, à l'horizon. La basse fracasse et explose dans tous les caissons. Je suis pas ton pote mais plus ton prof dans ce domaine. T'es mon élève et ce que je récite, faut que tu le comprennes. Place dans la dégaine, voici le capitaine. Crache des rimes en fontaine, chroma qui fait des siennes. Ton rappeur fétiche, quand tu m'écoutes tu pleures niche. Tu sauras que le trône, c'est là ce plat où je me postiche. À force de rapper, nombreux se mettent à jacter. À leur visage est cramé, car je les ai éboîtés. Les langues de pute pensent qu'à inventer des rumeurs. Tu me connais, je suis abonné à remettre les pendules à l'heure. Écoutez par les dealers, fais jacter les billers. La boucherie servie par Mr Spike Miller. 92 Empire, le pilon tu vas le sentir. Les bolos et les comtés, c'est ce que l'odeur attire. Faites le périph' et sors à Porte de Châtillon. On nique la politique et même celle de François Fillon. Visite la capitale de l'illicite. L'argent ça le facilite, les hautes scènes sont sans limite. Dans les tests, dans les caisses j'intéresse. Admire ce que je f, mais ne demande pas qui est. T'hallucines de voir comment j'urine. Comme elle décrit mon rime, ça restera ma routine. Avec du cran pour mon clan, ça reste évident. Jamais lassé, tout défoncé, tu sais que c'est mon croisement. Faut le savoir que je rappe mieux que je suis écouté et respecté. Donc là, dans les tests, dans les caisses j'intéresse. Admire ce que je f, mais ne demande pas qui est. T'hallucines de voir comment j'urine. Comme elle décrit mon rime, ça restera ma routine. Avec du cran pour mon clan, ça reste évident. Jamais lassé, tout défoncé, tu sais que c'est mon croisement. Faut le savoir que je rappe mieux que je suis écouté et respecté, donc leur magie. Chromatise.